Double X on the track, bitch. Encore un hiver noir, avec cette foutue odeur de la veille. Je lui montre qu'on ne trouve pas, mais mademoiselle me répond qu'elle n'en veut pas. Je me suis senti bête, je me suis retrouvé figé face à moi-même. Même avec tout l'or du monde, je n'ai toujours pas pu acheter son regard. Mon cœur meurtri me dit de ne pas rester sans toi. Mon cœur meurtri me dit de ne pas rester sans toi. Je crois que j'ai succombé, oh, je crois que j'ai succombé. Je crois que j'ai succombé. Malgré mon train de vie, je crois que j'ai la flemme de vivre. Même quand je ferme les yeux, je